بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ندخل في باب جديد ما زلنا في كتاب الصلاة، باب شيء من مكروهات الصلاة. نعم، donc qui est le chapitre des choses qui sont détestables à ne pas faire par rapport à la salat. Choses détestables à ne pas faire par rapport à la salat. Et les choses qui sont détestables à la base, c'est quoi le makrouh? C'est ma naha anhu al-shar' biril ilzam. C'est ce que l'agitation a interdit sans pour autant imposer cette interdiction. Et c'est ce qui est détestable, c'est celui qui délaisse cette chose détestable est récompensé. Et celui qui l'accomplit, qui l'a fait, lui n'est pas, ne prend pas de péché. Bien comprendre c'est quoi qui est détestable. Éviter une chose détestable en religion, ça t'amène à être récompensé si tu avais une bonne niya, de plaire à Allah. Et si jamais tu l'as fait, tu n'as pas de péché. Voilà. Donc ce n'est pas tout ce qui est détestable, d'accord, qui est haram. Bien que chez les anciens, détestable voulait dire haram. Et le fait de détestable, auprès d'Allah Azza wa Jal, kazalik, a le sens de haram. Non. Mais là, on part du sens usuli. Il dit dans le. On va prendre là le 50e hadith et 51e hadith, car ils ont le même sujet. Tous les deux, ils sont courts. Puis le hadith al-Khamsin, ou le hadith al-Hadi wa Khamsin. أولاً يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أو العشاء عفوا وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه donc elle a dit عائشة رضي الله عنها que si jamais la salat يعني l'iqama de salat, c'est-à-dire que tu as le deuxième appel de la salat qui se fait, les gens se mettent en rang, l'imam est présent, et que le dîner est apporté, alors commencez par le dîner. Commencer par le dîner. Et rapporté également selon Ibn Omar. Et dans le 51e hadith qui vient après, rapporté par Muslim, la version de Muslim plutôt, An Aisha qalat, Samiatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakul, La salata bi hadratit ta'am, wa la huwa huwa yudafi'u al-akhbathan. Yudafi'uhu al-akhbathan. Yudafi'uhu al-akhbathan. Donc selon Aïcha, elle dit que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y a pas de salat lorsque la nourriture est apportée, le repas est posé, ou celui qui a envie d'aller aux toilettes. Lui ne fait pas la salat à ce moment-là et il accomplit sa maison en premier lieu. Donc les deux hadiths, c'est le même sujet, donc on le prend ensemble, Inch'Allah. Donc, yakulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, riwayan Aïcha. Le rapporteur du hadith est Aïcha. Et dans une autre version, c'est Ibn Omar. Il y a quoi le mot du hadith ? Bayen le hukm ta'khir al-salat izay hadara al-asha. Qui est maintenant le fait d'éclaircir le jugement de fait de retarder la salat lorsque le dîner est apporté. Et comme on l'a cité dans l'autre hadith, ce n'est pas que le dîner en soi en fait. C'est tout repas qui est apporté, c'est-à-dire au moment où la personne a la faim, très faim, même si ce n'est pas un repas. La personne a la faim, à une heure autre que les heures où les gens y mangent, par exemple, il a tardé. Son repas lui a porté, par exemple, c'est à l'heure du Asr, un repas est posé devant lui, il en a envie, il a faim. Et bien à ce moment-là, ce repas prend le jugement du hadith. D'accord ? Ça revient à ça. Donc ne pas juste s'arrêter au terme Asha qui est le dîner. Cela englobe tous les repas. Et même ça peut être plus large que ça. Mais là, on s'arrête à ce que le hadith. Ce dont le hadith fait allusion. Et dans l'autre hadith, également le jugement du fait de retarder la salat pour celui qui a le repas qui lui est apporté ou celui qui a envie d'aller aux toilettes. Il y a quoi le char al-Ijmali ? Taïeb, on va prendre le char al-Ijmali du deuxième hadith car il contient les fawaïd du premier, du précédent. لما كان العرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرعه من الشواغر أو من الشواغر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل على حال تمنع تحقيق ذلك. Donc comme le but de la salat c'est d'établir un lien entre le serviteur et son seigneur, cela ne peut être complet que si la personne est à l'esprit libre et concentrée sur ce qu'elle fait. Qu'elle ne pense pas à autre chose. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la salat pour celui qui est en situation qui l'empêche d'accomplir cet objectif, qui est la concentration. D'accord? Lui, il a autre chose en tête qu'il veut faire malgré lui, comme la faim ou comme avoir envie d'aller aux toilettes. Ce n'est pas toute chose dont on a envie qui empêche cela. Ce sont les choses vraiment qui sont liées aux besoins humains. ففي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون صلاة بحضرة طعام يريد أكله أو حل مدافعة الأخبثين. Dans ce hadith, Aïcha, elle informe qu'elle a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire qu'il ne faut pas faire la salat lorsque le ta'am est apporté et que la personne veut en manger, il a faim, ou celui qui a envie d'aller aux toilettes. Sous cette forme, grand ou petit besoin. Alors, c'est là, c'est en lui, il veut y aller. Pas une chose qui peut repousser, une chose qui est imminente. D'accord ? Yaqul wa huwa nafi mutadammin lin-nahi. Ata bi sirat an-nahi takriran li-ijtinabihi. Kannahu amrun la yumkinu an yakun. Donc, cette négation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a employée dans ce hadith a un sens d'interdiction. Car justement, la formule négative vient pour justement affirmer le fait d'éviter la chose à faire. Comme c'était une chose qui n'était pas réalisable. Et à la base, le nahi yaktadi est tahrim. Une chose qui est interdite, à la base, ça amène à un côté illicite. Après, les ulama disent que cela est juste détestable de faire cela. Et non pas un muharram. Et non pas un muharram. Après, il y a une divergence par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, le meilleur, c'est de ne pas le faire, de toute façon. Le meilleur est de ne pas le faire, de toute façon. Non. Après, il dit dans Fawaid al-Hadith, les enseignements utiles du Hadith. On va lire ceux du 52e Hadith, car ils contiennent également ceux du Hadith précédent, pour abréger. أولاً النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله أو مدافعة البول والغائط لأنه يمنع حضور القلب في الصلاة. Donc l'interdiction de faire la salat au moment où la nourriture, le plat est apporté et la personne veut en manger. Ou alors au moment où il a envie d'aller aux toilettes. D'accord ? Pour les grands petits besoins. C'est-à-dire qu'il est, c'est imminent, il repousse. Donc à ce moment-là, il ne aura pas l'esprit concentré pour la salat. Lui pensera aller aux toilettes, il pensera à autre chose. Donc à ce moment-là, il ne fait pas la salat. Et il va faire ses besoins en premier lieu. Quitte à ce que la salat lui échappe. Thaniyan, ana salat tu'akhkhar 'inda hudur الطعام أو مدافعة البول الغائط وإن فات أول الوقت وهذا وجه مناسبة الحديث. Et que la salat justement on la retarde lorsque la nourriture est apportée ou qu'on repousse pour aller aux toilettes, quand bien même à ce que le premier temps nous échappe, comme on vient de le dire. ثالثا أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل أحد أو حد المدافعة فلا بأس بالصلاة. Et que, مثلاً, si la nourriture n'est pas encore posée, par exemple, elle est encore en train de cuire sur la table, sur la cuisinière, par exemple, elle n'est pas encore posée devant lui. D'accord ? Ce n'est pas encore devant lui, il n'a pas vu le plat ni rien du tout. Ou alors que son envie d'aller aux toilettes n'est pas pressante sur le imminent, yani immédiatement, qu'il peut se permettre de se retenir, alors il va faire la salade. Pas de mal qu'il fasse la salade à ce moment-là. Rabi'an, Ali Atinabi Khudur El Kalb. Qu'il faut faire en sorte d'avoir le cœur concentré, l'esprit concentré lors de la salat et éviter toute préoccupation. Tout ce qui pourrait t'emmener à penser à autre chose, bien que cela soit quasiment inévitable. Là, on parle des choses qui sont, elles, vitales. D'accord ? Car il y a plein de hadiths qui sont venus qui montrent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà pensé à autre chose dans la salat. Ça arrive. Et des hadiths sont venus qui parlent de cela. Ça ne veut pas dire que la salat est invalide. Là, il parle de choses vitales, comme justement le fait de vouloir aller aux toilettes. Là, tu ne penses même plus que tu es en salat à ce moment-là. D'accord ? Ou à réaliser les cas. Naam. Fabien Adelkod Naktafi. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.